Aujourd'hui dans Affaires sensibles, autopsie d'une machination judiciaire, l'affaire Jules Durand. Le 25 novembre 1910, la cour d'assises de Rouen condamne à mort un jeune docker charbonnier d'à peine 30 ans. Dans son arrêt, la cour estime que cet homme, du nom de Jules Durand, syndicaliste autodidacte, est coupable de complicité d'assassinat sur un contremaître de l'entreprise pour laquelle il travaille, la Compagnie Générale Transatlantique. Dès l'énoncé du verdict, de nombreux intellectuels, l'opinion publique, mais aussi les dockers du monde entier s'indignent. Dans les colonnes du journal L'Humanité, le député Jean Jaurès s'insurge contre la condamnation d'un innocent dont l'innocence est éprouvée, écrit-il. De son côté, le défenseur de Jules Durand, un jeune avocat inexpérimenté, un certain René Coty, qui deviendra président de la République 44 ans plus tard, affirme, lui, qu'il s'agit d'une nouvelle affaire Dreyfus. En réalité, c'est une machination, effectivement. Et le véritable gagnant dans toute cette affaire, c'est la Compagnie Générale Transatlantique. En poussant la justice à envoyer un syndicaliste gréviste à l'échafaud, elle trouve là l'occasion inespérée de briser les mouvements de grève. Notre invité aujourd'hui, le magistrat Marc Edrich, président de cour d'assises, il est le cofondateur de l'association Les Amis de Jules Durand. Marc Edrich est aussi l'auteur d'un ouvrage de référence sur cette affaire intitulé « L'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient crime », paru chez Michelon en septembre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 18 août 1910, port du Havre, estuaire de la Seine. Comme chaque matin, paquebots et cargos à vapeur entrent dans le chenal qui mène au bassin de l'Eure, long cortège maritime. Des cheminées et des navires s'échappent d'épaisses colonnes de fumée noire. Visibles à des kilomètres à la ronde, elles donnent au ciel un aspect sale, brumeux. Assis face à son chevalet, le peintre Raoul Dufy immortalisera cette scène sur plusieurs toiles devenues célèbres. Il faut dire que le port du Havre est un endroit particulier, une sorte de ville dans la ville. C'est aussi le poumon économique de toute la région. Ses quais grouillent de monde. Ici, des pêcheurs vendent à la criée, là, des commerçants achètent du poisson ou des épices, le tout sous le regard des douaniers. Et puis, l'endroit a ses ruelles et ses rituels. À peine les navires sont-ils entrés dans les bassins qu'un officier les fait manœuvrer et accoster. Ensuite, plusieurs dizaines d'hommes se précipitent à bord pour décharger les caisses de marchandises. Eux, ce sont les dockers, véritables fourmis ouvrières du port. Leurs conditions de travail sont difficiles, elles riment souvent avec misère, alcoolisme et violence. Non loin de là, sur le quai Colbert, qu'on surnomme le quai au charbon, 700 à 800 hommes embauchés la journée, pour la plupart des réguliers, pour d'autres des vagabonds, charge les précieuses briques noires de charbon dans les soutes des paquebots. À l'aide de pelles et de fourches, les dockers charbonniers, comme on les appelle ici, réapprovisionnent en combustible les magnifiques steamers, ces navires de croisière à vapeur qui relient l'Europe à l'Amérique. Au Havre, difficile de rater les dockers charbonniers. On les reconnaît à leurs mains sales, leurs gueules noires et leurs habits sont recouverts de suie. Ils sont à l'image de cette ville, dont une partie est recouverte de cendres et remplie de crasse à l'époque, comme le décrit l'écrivain Hanscoff. Du charbon, il y en a partout au Havre, en tas sur les quais, à bord des wagons, dans des barges ou plein la cale des cargos, en sacs, en vrac, en morceaux, en poussière, en boulets ou en briques, dans les chantiers de la ville, dans les cours des usines. C'est bien simple, toute la basse ville du Havre vit du charbon. Et au fil du temps, la poussière noire a totalement envahi le quartier du port, noircissant les toits, les façades des entrepôts et des immeubles, plongeant la ville dans une brume grise permanente. C'est là, sur le quai Colbert, qu'est installée l'une des entreprises les plus puissantes et les plus prestigieuses de la région, la Compagnie Générale Transatlantique. En cet été 1910, elle possède plus de 72 navires qui sillonnent les mers du globe. Grande consommatrice de charbon pour ses paquebots, elle est aussi un bassin d'emploi au Havre. Seulement voilà, il y a quelques semaines de cela, la compagnie a décidé d'acheter plusieurs grues automatiques qui fonctionnent à l'électricité. À elle seule, elle remplace le travail de 150 ouvriers. quand ils ont vu pour la première fois la structure géante de ces grues, les dockers charbonniers se sont d'abord montrés admiratifs. Puis ils se sont inquiétés, et pas pour rien, puisque début août, la compagnie décide d'installer un aspirateur géant pour le charbon. Monté sur un ponton de 50 mètres de long et 10 mètres de large, le Tankerville, c'est son nom, est une nouvelle machine capable de décharger des navires entre 150 et 200 tonnes de charbon à l'heure, et ce sans interruption, ce qui devrait offrir à la compagnie générale transatlantique un gain énorme de productivité. Alors, plusieurs centaines de dockers charbonniers protestent contre l'extension du machinisme et réclament aux armateurs de la compagnie de compensation salariale, le respect de la loi sur le repos hebdomadaire et le paiement des heures supplémentaires. La situation se tend et le lundi 18 août, 600 dockers se mettent en grève. Un bras de fer avec la direction de la compagnie et de plusieurs autres entreprises s'engage. D'un côté comme de l'autre, personne ne veut céder. D'autant que, comme l'expliquera bien plus tard le secrétaire de l'Institut d'Histoire Sociale CGT Seine-Maritime, Jacques de Fortescue, cela fait alors plusieurs années que les grèves s'enchaînent sur le port du Havre. Il faut savoir que quand le conflit éclate, c'est un mois, à peine un mois après la création du syndicat des dockers charbonniers au Havre. C'est dans un contexte quand même où il y a beaucoup de mouvements syndicaux. En 1909, il y a 11 grèves représentant 3200 grévistes et 226 jours de grève en 1909. Et à chaque fois, la répression est importante. À chaque fois, les militants ouvriers, enfin les militants syndicaux, mais quelquefois tout simplement des grévistes, sont arrêtés, mis en prison, etc., etc. Au Havre, à l'image de nombreuses villes en France à l'époque, la norme veut que la société soit divisée en classes. Les riches et les puissants d'un côté, les pauvres et les faibles de l'autre. La règle numéro 2 veut qu'on ne se côtoie pas, qu'on ne se mélange pas. Le long des bassins fluviaux, dans la partie basse de la ville, on trouve ainsi les quartiers ouvriers avec leurs petites maisons aux briques noircies par le charbon. Les enfants du voisinage jouent au ballon dans les ruelles, on fait sécher le linge aux fenêtres. L'hiver, on se chauffe comme on peut. Et des familles entières s'entassent autour du poêle à charbon. Au 51 Quai de Saône, au deuxième étage de l'une de ces maisons, habite Jules Durand. Lui est docker charbonnier et syndicaliste autodidacte. Il vit ici, chez ses parents. Depuis 2 ans, Jules est journalier d'appoint à la société commerciale d'affrètement chargée de l'approvisionnement en charbon de diverses compagnies maritimes, dont la compagnie générale transatlantique. Personnage calme et surtout instruit, sachant lire et écrire, ce qui n'est pas une évidence pour tout le monde il y a un siècle, Jules Durand est l'une de ces figures de proue de la grève du 18 août. En plus des revendications salariales, ce jeune homme au visage rond, à la fine moustache et aux tempes dégarnies, veut également obtenir des compagnies l'installation de douches sur les quais et d'autres avantages pour les dockers. Visage de la lutte des ouvriers contre le patronat, Durand devient alors une cible aux yeux de ceux qui veulent en finir avec la grève, comme l'explique le magistrat Marc Edrich au micro de France Culture. À la tête du syndicat des charbonniers, un jeune homme d'à peine 30 ans, Jules Durand, surnommé sur les quais le buveur d'eau, parce qu'à l'époque, vous imaginez que les charbonniers vivait dans une misère absolument incroyable et était alcoolique. Cette histoire, c'est un peu Germinal sur mer. On est dans le charbon, on a un leader syndical comme dans Germinal qui petit à petit va focaliser l'attention des employeurs et on va chercher à éliminer d'une certaine manière le leader qui a un vrai leadership naturel. Il est membre de la Ligue des droits de l'homme qui a 10 ans d'âge à l'époque, qui a été créé au moment de l'affaire Dreyfus, mais qui ne réunit pas trop en général les ouvriers, qui réunit plutôt les bourgeois, les intellectuels, les Dreyfusards. Il est membre d'une ligue anti-alcoolique et il suit des cours du soir à la Bourse du Travail, Cours de la République. Et il a pris la tête assez naturellement de ce jeune syndicat des charbonniers qui a environ 400 adhérents sur le port. À quelques encablures de ce port se dresse la colline de Sainte-Adresse. C'est là, dans de vastes demeures toutes tournées vers la mer, qu'habitent les descendants des grands armateurs. Enrichis par la chasse à la baleine, le commerce du café, du cacao, de la laine et du coton, ces gens qu'on appelle péjorativement ceux de la côte profitent en hiver de maisons bien chauffées et de garde-manger toujours pleins. Parmi ceux qui habitent ici, il y a Stanislas Ducrot. À 57 ans, cet ancien lieutenant de marine est depuis une vingtaine d'années l'agent général de la compagnie générale transatlantique. Derrière sa large moustache, sa petite taille et son regard narquois, se cache un homme cynique, pervers, sans morale. Un homme puissant, craint et donc respecté. Un personnage prêt à tout pour garantir les bénéfices à l'entreprise pour laquelle il travaille. C'est à lui que le dirigeant de la compagnie demande des comptes lorsque les choses ne vont pas. Or, à Paris, le conseil d'administration de la compagnie générale n'apprécie pas qu'à cause de ce nouveau mouvement de grève, ses navires soient obligés d'aller jusqu'en Angleterre pour se ravitailler en charbon. Stanislas Ducrot est prié d'agir, il doit briser la grève. Très vite, Ducrot se décarcasse, tout comme la très grande majorité des employeurs du port du Havre qui refusent toute négociation et affichent une détermination sans faille à maintenir les rendements. Raison par laquelle, deux jours après le début du mouvement de grève, le samedi 20 août, lorsque les charbonniers se présentent aux portes du Quai Colbert, ces derniers découvrent une affiche patronale placardée sur les grilles et sur laquelle on peut lire « Les conditions scandaleusement déplorables dans lesquelles s'effectuent les opérations de déchargement et d'embarquement des charbons démontrent la volonté bien arrêtée des ouvriers de ne plus produire le travail normal et courant que les maisons qui les emploient sont en droit d'attendre. » Une pareille situation ne pouvant se prolonger, l'embauchage du personnel se fera désormais à la condition rigoureuse et formelle qu'une garantie de travail soit effectuée. Faute de quoi, l'ouvrier n'aura pas le droit à l'intégralité de son salaire. L'affiche déclenche la colère des charbonniers, Jules Durand en tête. C'est une provocation, une de plus. À cela s'ajoutent les nombreux articles de la presse locale consacrés à la grève. À chaque fois, les journalistes se font l'écho de tensions et de la violence sur les quais, alors qu'en réalité, avec la présence massive de la police qui patrouille, la situation est relativement calme. Dans les jours qui suivent, les ouvriers multiplient les piquets de grève. En réaction, les patrons répondent par l'embauche de ce qu'on appelle les jaunes ou les renards. Des hommes, eux aussi ouvriers, mais non syndiqués, et qu'ils payent 3-4 fois plus cher pour travailler, et donc décourager les grévistes. L'un de ces jaunes s'appelle Louis Donger. Contremaître de 42 ans, il dirige une équipe de plusieurs dizaines de dockers charbonniers briseurs de grève. Impulsif et provocateur, tout le monde sait que Donger cumule deux mauvaises habitudes, boire plus que de raison et porter un revolver à la ceinture. Le vendredi 9 septembre, après plus de 3 semaines de grève, la situation reste dans l'impasse. Au port du Havre, le bras de fer qui oppose grévistes et patrons se tend un peu plus chaque jour. Après sa journée de travail, Louis Donger décide d'aller dépenser sa paye dans les bars. Il se rend non loin de là, dans le quartier Saint-François, un endroit connu pour son insalubrité, sa misère et sa délinquance. Pendant toute une soirée, il profite de la chaleur des comptoirs et du charme des prostituées. Lorsqu'il ressort, il fait nuit noire. Alors qu'il marche le long du quai pour rentrer chez lui, il croise un groupe de charbonniers en grève, tout aussi ivre que lui. Donger le renard est rapidement pris à partie. Le petit groupe l'accuse de trahir le mouvement. On le traite de tous les noms. Les esprits s'échauffent. Et c'est à ce moment-là que Donger sort son revolver. Une bagarre éclate, confuse. Le contremaître finit à terre, inanimé. La police interpelle sur place 3 de ses agresseurs. Et à première vue, il s'agit encore une fois de l'une de ces nombreuses rixes entre ivrognes, des bagarres, comme il y en a souvent, sur les quais. Mais le lendemain matin, les choses prennent une tout autre tournure. Louis Donger meurt des suites de ses blessures à l'hôpital. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. De simples bagarres, l'affaire Donger devient alors un crime. Et l'un des premiers à se saisir de cette affaire, c'est Stanislas Ducrot. Dès qu'il prend connaissance des événements, le directeur de la Compagnie Générale Transatlantique au Havre réalise qu'il tient peut-être là un formidable moyen d'en finir avec la grève. Alors, dans le plus grand secret, il élabore un plan machiavélique. Dans un premier temps, il envoie une lettre au procureur de la République dans laquelle il affirme qu'il croit savoir que cette mort aurait été votée au cours d'une réunion entre grévistes. Dans la foulée, un juge d'instruction auditionne une dizaine d'ouvriers charbonniers. Tous sont présentés par la compagnie comme des témoins de premier plan. Face au juge, ils affirment que ce sont les syndicats qui sont à l'origine de la mort du contremaître. Et tous pointent du doigt Gilles Durand, et deux autres grévistes. Ce sont eux, affirme-t-il, qui auraient fait mettre aux voix la mort de Donger lors d'une réunion syndicale. Point étonnant et peu commun dans ce genre d'affaires, les témoins ne sont pas auditionnés dans le cabinet du juge. Non, c'est le magistrat qui se déplace, à l'invitation de Stanislas Ducrot, jusqu'au bureau de la Compagnie Générale Transatlantique. Et les auditions se déroulent sans la présence d'un greffier. Après avoir soufflé au procureur une responsabilité syndicale dans cette affaire, après avoir présenté au juge des pseudo-témoins orientant l'enquête de manière décisive contre Jules Durand, Ducrot passe à la troisième étape de son plan, convaincre l'opinion. Grâce à ses entrées dans les salles de rédaction du Havre et même du journal Le Temps à Paris, le directeur de la compagnie livre ainsi son récit et son point de vue dans les journaux. Une histoire si fournie de détails qu'elle paraît vraie. Il en résulte de l'enquête que Donger et deux autres ouvriers étaient désignés depuis le commencement de la grève à la vengeance des chômeurs volontaires. Il aurait même été prononcé ces paroles. « Camarades, il faut les supprimer, les assommer, les faire sauter. » Une vingtaine de grévistes furent choisis parmi les assistants pour empêcher Donger et les deux autres ouvriers de travailler et les guetter. On aurait conseillé aux grévistes d'assaillir en nombre les trois travailleurs, de les entourer, de les frapper ensemble afin qu'un agresseur ne puisse être reconnu. En l'espace d'une journée, l'affaire du meurtre des contremaîtres Louis Donger devient aux yeux de la justice et aux yeux de tous l'affaire d'un assassinat prémédité et commandité par des syndicalistes. Ce serait la lutte des classes par les armes. Lorsque Jules Durand apprend qu'une rixe mortelle a eu lieu la veille au soir et que Louis Donger en est la victime, le jeune syndicaliste est alors à la mairie du Havre et assiste à une réunion de médiation. C'est le maire de la ville en personne qui lui donne l'info. Durand est abasourdi, consterné. Donger, il le connaît. Certes, c'était un renard, un briseur de grève, il avait retourné sa veste. Mais il était aussi un père de famille, resté malgré tout un camarade. Jamais Jules Durand n'aurait pu imaginer que les choses en arriveraient là. Jamais il ne l'aurait souhaité non plus. Car au-delà du tragique de cette histoire, il est tout de même mort d'homme, cet événement ne peut avoir que des conséquences négatives sur la grève. Celle-ci est d'ailleurs immédiatement suspendue par le syndicat des dockers charbonniers. Le surlendemain, le dimanche 11 septembre, la police du Havre se présente au domicile de Jules Renard au 51 quai de Saône. Devant son frère et sa belle-sœur, le jeune syndicaliste est arrêté, menotté et emmené directement au tribunal où l'attend le juge d'instruction. Quelques maisons plus loin, la police fait de même avec deux autres responsables syndicaux, les frères Gaston et Henri Boyer. Face au juge, Durand et les frères Boyer n'ont même pas la possibilité de démentir les charges qui pèsent contre eux. Ils sont immédiatement inculpés de complicité d'assassinat. De son côté, le journal Le Havre Éclair, une publication dans laquelle Stanislas Ducrot a ses entrées, lance une grande campagne de souscription pour aider la veuve de Louis Donger et ses deux enfants. Ducrot et les patrons havrais participent largement, bien sûr. Et dans un élan rare de solidarité, la Compagnie Générale Transatlantique propose même de prendre à sa charge les obsèques de Louis Donger. D'ailleurs, le jour de la cérémonie, Stanislas Ducrot s'affiche aux côtés de Marie Donger, la veuve de Louis. Et derrière le corbillard, on distingue les visages de la plupart des grands patrons et négociants de la région, comme ça c'est complet. Dans les jours qui suivent, la presse locale tire à boulet rouge sur l'attitude de certains syndicalistes dans le meurtre de Donger. Assis à son bureau, Ducrot jubile. La grève est terminée, les syndicats sont discrédités, son plan s'est parfaitement déroulé. Au même moment, dans sa cellule de la maison d'arrêt du Havre, Jules Durand reste persuadé que la justice va laver son honneur et rétablir la vérité. Comme dans cette lettre qu'il écrit à sa compagne. « Ma chère Julia, ne te fais pas de chagrin. Tout le monde connaît ma conduite. Comme toi, tu as pu depuis longtemps la juger. Te dire la principale chose pour le moment est de consoler le père et la mère, car je suis persuadé qu'ils doivent être dans un profond chagrin. Eh bien, ce n'est pas la peine, car soyez certain que ma détention n'est qu'une question de jours et que je ressortirai la tête haute. » Full of Affaires sensibles, Fabrice Drouel. À l'attention de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les trois agresseurs de l'ouvrier non gréviste décédé au Havre ont été arrêtés et interrogés. Les témoins de l'attentat sont très affirmatifs sur la culpabilité parfaitement établie. Trois membres du syndicat des charbonniers, Jules Durand, secrétaire général du mouvement, Gaston Boyer, trésorier, et Louis Boyer ont été arrêtés et inculpés de complicité d'assassinat. Il résulte des 10 dépositions très formelles que la mort de l'ouvrier Louis Donger avait été décidée dans plusieurs réunions syndicales présidées par Durand, qui avait dit notamment « Il n'y a qu'une peine, il faut le supprimer » et a fait ensuite mettre aux voix la mort de Donger et de deux autres non-grévistes. Louis Jansoul, procureur de la cour d'appel de Rouen. Mercredi 23 novembre 1910, palais de justice de Rouen. Deux mois et demi après la mort du contremaître Louis Donger lors d'une bagarre d'ivrogne sur les quais du port du Havre, s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine inférieure, devenue Seine-Maritime, le procès des exécutants supposés du crime et des commanditaires présumés. Dans cette affaire, la justice est allée vite, très vite, trop selon certains. Pire, le dossier d'enquête du juge d'instruction ne se base que sur des témoignages et des on-dit. Aucune preuve matérielle, aucun écrit ne permet de lier les exécutants aux commanditaires d'ailleurs. Existe-t-il vraiment un lien entre tous ces hommes? Preuve en tout cas que l'affaire a pris une dimension nationale et qu'elle fascine l'opinion. La plupart des grands titres de presse ont dépêché leurs reporters pour couvrir ces trois journées de procès. Dans son ensemble, la presse parisienne se montre très à charge contre les accusés que certains éditorialistes qualifient même de grévistes assassins. En cette matinée de novembre, une foule dense se presse devant le tribunal. À l'intérieur, parmi les 12 jurés, un seul ouvrier. Pour le reste, ce sont des banquiers, des rentiers, des commerçants ou des négociants, des gens pour qui le mot syndicaliste est synonyme de danger. Dans le box, Jules Durand, les frères Boyer et trois autres compagnons qui ont participé à la bagarre assistent médusés à l'ouverture de leur procès. Ce monde, avec ses codes et ses procédures, n'est pas leur monde. Et en jugé par les regards qu'on leur porte, il semble déjà que beaucoup de personnes dans la salle les ont condamnés. Le président du tribunal appelle alors les témoins. Parmi eux, Stanislas Ducrot, directeur de la Compagnie Générale Transatlantique du Havre. La défense de Jules Durand est assurée par un jeune avocat vrai, spécialiste du droit maritime, mais alors inexpérimenté et inconnu, René Coty. Oui, le René Coty que vous connaissez. Selon toute vraisemblance, c'est le maire du Havre qui l'a choisi pour défendre les intérêts du jeune docker syndicaliste. Loyal et dévoué, Maître Coty est persuadé que la vérité va triompher et que Durand sera acquitté. D'entrée de jeu, les débats se cristallisent autour de l'acte d'accusation. Celui-ci stipule que les frères Boyer proposèrent de donner à Dongé une correction et que Durand exprima l'avis qu'il fallait le supprimer. Si face à la cour, Jules Durand amenait à avoir pu utiliser le mot « supprimer » lors de réunions syndicales, il refute avec véhémence toute intention criminelle. Idem pour les frères Boyer. Pour le juge d'instruction, ce mot de « supprimer » veut bel et bien dire « tuer ». Pour les avocats de la défense, en revanche, les syndicalistes faisaient référence à « rayer de la liste des grévistes » ou « retirer sa carte du syndicat ». C'est ça, supprimer. C'est pas tout à fait la même chose. Dans les colonnes du journal L'Humanité, Jean Jaurès écrira plus tard. Que le juge d'instruction et le parquet n'aient pas vu la vérité qui aurait éclaté d'emblée à des esprits honnêtes, qu'ils aient préparé la condamnation d'un innocent et dont l'innocence était évidente pour faire écho à la grande presse sauvage et pour flatter un pouvoir réacteur qui cherchait dans une formidable panique sociale une excuse à ses reniements, ces choses monstrueuses en vérité. Le premier tournant du procès intervient lorsque le commissaire Henri, chef de la sécurité du Havre, prend la parole. D'après son enquête, l'accusé Durand est un homme engagé et convaincu, mais aussi, ajoute-t-il à la barre, doué de réflexion et de pondération, et donc incapable du crime dont on l'accuse. Le policier ajoute que la victime, Louis Dongé, était le seul, lors de la bagarre, à porter une arme à feu, qu'il était ivre aussi. Est connu pour son caractère violent, et que de surcroît, la rencontre entre Dongé et le groupe de grévistes sur le quai était fortuite. Bref, ce n'était pas un traquenard. Assis sur le banc des témoins, Stanislas Ducrot voit pour la première fois son plan diabolique vaciller. Lui qui avait su orienter le procureur, convaincre le juge et l'opinion, il n'a pas réussi à faire entrer le commissaire Henri dans son plan. Qu'à cela ne tienne, Ducrot reste confiant. Le lendemain, en effet, vient l'interrogatoire de Jules Durand. Moment pénible pour les charbonniers présents dans la salle d'audience, tant les questions sont toutes orientées à charge contre le jeune syndicaliste. À aucun moment, il n'est question de la grève, des syndicats, des conditions de vie des charbonniers. Non, ce que le président et le procureur souhaitent entendre, ce sont les aveux de Durand. Et tant pis pour la présomption d'innocence, bien sûr. Malgré la fatigue, le jeune docker répond calmement, avec précision, clarté. Mais dans la salle, certains journalistes estiment que son sort est déjà scellé, d'autant que son avocat est incapable de démontrer les failles de l'accusation. Au troisième et dernier jour d'audience, après un procès marathon, le réquisitoire de l'avocat général est sans pitié. Tous les accusés ont également frappé, tous sont également coupables, dit-il, ajoutant « Deux hommes portent la plus lourde responsabilité, ce sont Durand et l'un des co-accusés, Mathieu ». Puis, se retournant vers les jurés, l'avocat général annonce d'une voix grave « Nous croyons avoir découvert les coupables, nous vous apporterons les preuves, à vous de décider. » Puis, tour à tour, les avocats plaident. Ils s'attachent à faire la distinction entre l'accusation d'assassinat, qui suppose la préméditation, et la réalité, autrement dit, une bagarre, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils demandent donc l'acquittement. Dernier à prendre la parole, l'avocat de Jules Durand, Maître Coty, donc. C'est la première fois qu'il plaide en cour d'assises. Hélas, c'est la fin de la journée, les jurés sont épuisés. Sa démonstration ne sera pas à la hauteur de celle de l'avocat général. René Coty pointe pourtant toutes les carences de l'instruction, les incohérences du dossier et l'absence de preuves concernant son client. Puis il tente de démontrer que Jules Durand n'est pas un docker comme les autres. Il ne boit pas, il n'est pas violent. Et surtout, il sait lire et écrire. Quand il termine, en invitant les jurés à ne pas commettre ici une erreur judiciaire, à ne pas transformer ce procès en horreur judiciaire. 2 heures plus tard, le jury rend son verdict. 3 des accusés sont acquittés, les 4 autres sont désignés coupables et iront bagne pour plusieurs années, à l'exception d'un seul qui lui est envoyé à la guillotine. Et cet homme, c'est Jules Durand. Ce dont témoigne par la suite le juge Marc Edrich dans l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Durand a été reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation ou guet-apens. Le jury a considéré qu'il n'avait pas de circonstances atténuantes. La peine est donc la peine capitale. Durand aura la tête tranchée sur une place publique de Rouen. Et là, stupéfaction générale de tous. Coty, trop confiant, l'avocat trop confiant, avait toujours dit à Durand, vous verrez, ça va bien se passer, etc. Totalement stupéfait. Durand fait une crise devant ses camarades, de espèce de tétanie. Les camarades sont totalement ébahis, y compris les gens de la compagnie générale transatlantique l'écriront en disant, finalement, ça a peut-être été trop loin, quand ils étaient un petit peu gênés, mais ils n'imaginaient pas que ça allait jusque-là. Et ce qu'ils voulaient, c'est que la grève soit stoppée. Et la grève a été stoppée le lendemain de l'arrestation de Durand, ça, il faut le redire. Et puis qu'il y ait peut-être un coup de semonce pour les syndicats fauteurs de troubles sur le port. Mais c'était le seul objectif. Dans les semaines et les mois qui suivent ce jugement, encore hanté par le spectre de l'affaire Dreyfus, la France se retrouve divisée par la condamnation du syndicaliste Durand. Si des titres de la presse nationaliste comme Figaro, Le Temps ou Paris Journal se félicitent du verdict, côté presse républicaine, on dénonce une injustice. Dans la colonne de l'UMA, Jean Jaurès et d'autres personnalités publiques affirment qu'il s'agit là d'un attentat perpétré contre Durand et d'un jugement monstrueux. Que penser d'une magistrature qui rend pareille sentence, interroge-t-il ? La référence à l'affaire Dreyfus n'échappe pas à l'avocat de Durand, qui la met en avant. Dreyfus, bien qu'innocent, avait été condamné parce que juif. Durand, bien qu'innocent, a été condamné parce que secrétaire de syndicat, déclare-t-il devant la cour. Mais la campagne en faveur de Durand est loin de faire l'unanimité chez les anciens Dreyfusards. Georges Clémenceau et Aristide Briand, par exemple, deux figures de proue de ce mouvement, ne souhaitent pas entrer dans ce combat. La Ligue des droits de l'homme, en revanche, dont Durand était membre, affiche un soutien sans faille et va tout faire pour sauver le jeune homme de l'échafaud. Ce qui finit par réussir, par la voie de la grâce présidentielle, sa peine sera commuée en 7 ans de prison. Mais le mal est fait. Rendu fou par sa condamnation injuste, le jeune syndicaliste est interné dans un asile psychiatrique. Et c'est là qu'il finira sa vie, 16 ans plus tard, sans jamais avoir su qu'entre-temps la justice avait finalement reconnu son innocence. Aujourd'hui, plus de 110 ans après les faits, le souvenir de l'affaire Durand est encore bien présent au Havre. Une plaque commémorative est apposée sur l'immeuble du 51 quai de la Saône où Durand a résidé. Et sur le quai Colbert, l'ancien quai au charbon, un buste à son effigie a été inauguré en 2018. Ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient de moi. Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Y avait un homme en rouge qui s'acharnait sur moi, précis comme la poudre et lourd comme la loi. Je ne savais pas que j'étais si violent, que j'étais si violent. Je ne savais pas que j'étais si méchant, que j'étais si méchant. Ouais, mais pour ma défense, un autre a pas la braie, faisant voler ses manches au vent de ses idées. Je ne savais pas que j'étais si petit, que j'étais si petit. Je ne savais pas que j'étais si gentil, que j'étais si gentil. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et j'ai peur tout seul devant tous ces gens de bien qui étalent au grand jour les secrets de mon cœur et n'y comprennent rien. Messieurs les jurés, ne me jugez pas trop, ne me jugez pas trop. Ah, messieurs les jurés, mettez-vous dans ma peau, mettez-vous dans ma peau. Regardez dans la glace, beau tête d'homme fort. Vous verrez les grimaces des condamnés à mort. Quand ils sont rentrés, ils ont baissé les yeux, ils ont baissé les yeux. Ils avaient jugé un enfant du bon Dieu, un enfant du bon Dieu. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Jules Durand dont nous allons parler avec notre invité, le magistrat Marc Edrich. Bonjour. Bonjour. Président de cour d'assises, vous êtes le cofondateur de l'association Les Amis de Jules Durand. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage de référence, tant vous la connaissez, cette affaire. L'ouvrage s'appelle L'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient un crime, paru chez Michelon, éditeur, très très récemment, cette année. Lorsqu'on vous écoute le récit de cette affaire et qu'on se plonge dans la lecture de votre livre, on est saisi dès les premières minutes et dès les premières pages par l'ambiance et le décor de cette ville du Havre en 1910. On voit le parallèle avec une autre histoire, évidemment, Germinal. C'est vous qui parlez d'un Germinal maritime? Oui, j'ai titré un de mes chapitres Germinal sur mer, parce qu'effectivement, sur mer, voilà. Germinal sur mer, c'est l'ambiance du moment, c'est l'ambiance de l'époque, avec un contraste très très affirmé entre les deux classes, hein, que vous avez rappelé dans votre récit, et avec une corporation des dockers charbonniers qui est la basse classe, je dirais, du prolétariat local, hein, composé de vagabonds, d'ouvriers à la journée, payés sous forme de jetons qu'on doit convertir dans les bars, très très exposés à un alcoolisme gangrénant, si je puis dire, la corporation, et avec ce syndicat que relance Jules Durand. On est effectivement dans l'ambiance de Germinal, avec cette opposition entre des syndicalistes dans le cadre d'un mouvement de grève, opposition face au mur de l'argent, face au patronat local. Si on continue les comparaisons, la seconde affaire Dreyfus dont a parlé la presse, est-ce que ce parallèle est juste? Alors le parallèle est juste dans la mesure où à l'époque, hein, il faut se souvenir que Dreyfus a été innocenté en 1906, nous sommes en 1910, donc 4 ans plus tard, tous les esprits ont en tête cette affaire Dreyfus, et tous les acteurs, la CGT en premier, mais également la Ligue des droits de l'homme, les avocats, les intellectuels, vont faire le parallèle avec l'affaire Dreyfus, en souhaitant que la mobilisation soit identique, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Il y a notamment une très belle affiche de la CGT qui clame ce qui a été fait pour l'officier Dreyfus devra l'être pour l'ouvrier Durand. Eh oui, mais pourquoi les anciens Dreyfusards, comme Georges Clemenceau ou Aristide Briand, par exemple, ne se sont pas mobilisés sur ce cas précis Durand? Alors c'est effectivement la faille qu'on constate chez les Dreyfusards, puisque effectivement certains d'entre eux, et non des moindres, hein, Clémenceau et Aristide Briand notamment, sont passés au pouvoir. Ils étaient les Dreyfusards de la première heure. On se souvient que Clémenceau avait été très courageux en tant que rédacteur en chef de l'Aurore pour accueillir Zola et son article J'accuse. Aujourd'hui, Clémenceau, à ce moment-là, Clémenceau est ministre de l'Intérieur et il fait tirer sur les grévistes partout en France. Briand est président du Conseil et il n'a plus du tout en tête la défense des syndicalistes comme il avait pu le faire dans son jeune âge. Donc, parce qu'ils sont au pouvoir, d'accord. Parmi les personnages qu'on découvre dans cette affaire, il y en a un qui sera par la suite appelé à exercer les plus hautes responsabilités au sein de l'État. Je vais bien sûr parler de René Coty, l'avocat de Jules Durand. Oui. Donc à l'époque, avocat au Havre, apparemment pas très expérimenté, inconnu, mais il fait tout ce qu'il peut, et pas si mal que ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, de cet avocat? Alors, il a 28 ans, il a jamais plaidé devant la cour d'assises, il est spécialisé en droit commercial, et il a la particularité d'être marié avec la fille d'un des grands grands armateurs de la place, donc il ignore tout de ce que c'est que le syndicalisme, de ce que sont les conditions de travail des ouvriers, et de ce qu'est la lutte des classes, en fait. Et il va passer à côté de son sujet, en toute loyauté, de bonne foi, mais il ne plaidera pas à la hauteur de finalement la déclaration de guerre que sont les réquisitions de l'avocat général qui demande la tête de Durand, quoi. Et cette affaire va-t-elle le hanter par la suite? Parce que c'était évidemment de notoriété publique qu'il était l'avocat de Jules Durand. La presse en avait plein les pages. C'est quand même un échec pour lui. Comment il va traîner ça après? Alors c'est un échec qui va le conduire à abandonner assez vite la profession d'avocat au profit d'une carrière politique que l'on connaît. Dans le privé, il pourra dire à certains que c'est le remords de sa vie. Et pourtant, ce que je dénonce un petit peu dans mon livre, c'est que pourtant il aurait eu l'occasion, lorsqu'il était au pouvoir, de participer à ce devoir de mémoire à l'égard de son ancien client Jules Durand, et rien n'a été fait dans ce domaine, ce qui est assez étonnant. Alors vous êtes magistrat, je le rappelle, donc forcément passionné de justice. Vous auriez pu vous intéresser à d'autres erreurs judiciaires. Il y en a eu trop, hein. Il y a toujours trop dans tous les pays d'ailleurs. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui fait que cette affaire-là vous a plus donné envie de d'écrire un livre que d'autres? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai découvert que j'occupais en 2010, alors même qu'on fêtait le centenaire de la condamnation à mort de Durand, j'occupais le bureau du juge d'instruction qui avait bouclé en un mois et demi de temps cette instruction, pour ne pas dire bâclé. J'ai donc cherché quelle était s'il y avait des archives dans le tribunal et autour, et j'ai découvert que les archives avaient disparu. Et j'ai découvert finalement que cette affaire était l'une des plus grandes erreurs judiciaires du siècle, car Jules Durand, il faut le rappeler, est le seul condamné à mort au XXe siècle, réhabilité par la Cour de cassation. Il n'y en a pas deux, il est le seul. Et pour autant, la littérature sur le sujet est très faible. Les historiens ont complètement zappé cette affaire. Mmh. Et du coup, effectivement, j'ai considéré qu'il était nécessaire d'approfondir le sujet et puis d'écrire. Il y a un territoire à conquérir de ce point de vue-là. Effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs vont découvrir cette histoire dont ils ne connaissaient pas forcément l'existence. Et j'en fais partie, donc c'est une belle découverte pour tout le monde. Marc Edrich, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Pete Seeger, Which Side Are You On? Friedrich, Pete Seeger, which side are you on? De quel côté es-tu? C'est une question qu'on pourrait poser aussi à la justice concernant cette affaire. Je crois qu'on peut parler d'une justice de classe, une justice du côté de la bourgeoisie. Oui, on a dans cette affaire même une caricature de justice de classe, tellement on a été rapide pour condamner à mort ce syndicaliste sur la seule base de quelques témoignages à charge. Et pour la lenteur par la suite du procès en révision, on est effectivement... Et puis un autre aspect qui rappelle effectivement cette justice de classe, c'est que une fois que la machination patronale a été établie, que aucune poursuite n'a été diligentée à l'égard de Stanislas Ducrot, qui est donc l'auteur de la machination, et des faux témoins. Donc on a le sentiment, et les syndicalistes de l'époque avaient le sentiment, qu'on avait véritablement une justice à deux vitesses. Mais et comment a vécu ce Stanislas Ducrot, qui avait quand même moralement un mort sur la conscience? Il se trouve qu'il n'a pas été exécuté, mais enfin sa vie était, on peut dire que sa vie était coupée net quasiment, la vie de Jules Durand, puisque il n'a pas supporté cette condamnation à 7 ans. Il est mort sans avoir su, hein, vous me confirmez que oui. Qu'il avait été réhabilité. Enfin, Ducrot avait sur la conscience quand même le gâchis d'une vie. Comment oui. Il a vécu ça? Alors, on sait pas grand-chose, mais on sait que les patrons de la place Avrez et Stanislas Ducrot en tête ont été dépassés finalement par le traitement judiciaire de cette affaire. Leur but, et il était assez compréhensible à l'époque, était de mettre fin à la grève. Ce qu'on comprend moins dans cette affaire, c'est la précipitation de la justice. On la comprend moins, sauf à considérer qu'elle était complètement... inféodé d'une certaine façon aux enjeux financiers de l'époque. Ce qui est assez frappant dans cette affaire, c'est effectivement que Durand va devenir fou et ne saura jamais qu'il a été réhabilité par la Cour de cassation en juin 1918. Et par la suite, il va être... oublié, il va être, y compris par le mouvement ouvrier, qui aurait dû en faire un héros, et qui finalement l'a quasiment oublié en dehors des dockers du Havre qui ont toujours continué fidèlement d'ailleurs à porter cette mémoire. Et comment ils l'ont porté? Régulièrement, chaque année, il y a une petite cérémonie au cimetière. Dans les luttes sociales durant tout le siècle, c'était le héros des dockers du Havre. Le drapeau, notamment des dockers charbonniers de l'époque, était exhibé à chaque manifestation. Il y a eu cette volonté de porter cette mémoire. Dans votre livre, vous revenez sur l'acte d'accusation, écrit noir sur blanc, assassinat. Ça ne tient pas la route, alors vous me dites si je me trompe, mais il faut qu'il y ait préméditation pour cela. Expliquez-nous. Alors, à l'époque, au 19e siècle, fin 19e siècle et début du 20e, la justice de classe avait pour habitude, si je puis dire, pour réprimer les mouvements sociaux, d'utiliser la qualification de complicité. De complicité de meurtre ou de complicité d'assassinat, ce qui permettait, en cas de violence dans le cadre de mouvements de grève, de poursuivre à la fois les ouvriers violents, mais également d'aller chercher la tête du syndicat en le poursuivant sur le terrain de la complicité. Et dans l'histoire de la mort de ce contremaître, pour pouvoir impliquer Jules Durand, il fallait qualifier les faits d'assassinat et aller le chercher sur le terrain de la complicité. C'est là aussi que la notion de justice de classe apparaît clairement dans ce traitement judiciaire. Est-ce qu'on sait comment les jurés ont réagi? Après, ce sont des gens du coin, évidemment. Alors, la composition du jury, déjà, est assez choquante. Oui, à l'époque, il n'y a pas de juré tiré au sort comme aujourd'hui. Hein. C'est un jury de notables désignés par le préfet, donc très peu démocratique. Et l'autre particularité de l'époque, c'est que les jurés se retiraient seuls après le procès pour déterminer qui était coupable et qui devait bénéficier de circonstances atténuantes. Et au moment du verdict, les jurés vont tout de suite s'étonner que Durand puisse être condamné à mort. Il n'avait pas compris les enjeux. Il n'avait pas compris que l'issue serait aussi grave. Et ils vont signer collectivement, ça on a trace de ça, ils vont signer collectivement une lettre au président de la République en demandant la grâce partielle de Durand. Et décidément, dans les annales de la justice, alors on dit que l'affaire n'est pas forcément connue du grand public, un peu plus aujourd'hui peut-être, mais est-ce qu'elle est une affaire importante? Je sais pas, est-ce qu'on l'enseigne à l'ENM, par exemple, l'École nationale de la magistrature? Est-ce que ça sert d'exemple d'une justice telle qu'on ne la veut pas, qui peut avoir certains errements de la justice? La réponse est non. J'espère que mon livre pourra susciter quelques vocations de chercheurs, d'étudiants, et pourra effectivement être étudié dans le cadre de la formation des juges et des avocats, parce qu'elle est très très pédagogique, hein, sur le plan effectivement de ce qu'il ne faut pas faire. Et bien sûr. Bon, on va proposer ça à l'ONM. Dernière chose, on n'a pas parlé des co-accusés. Un mot sur eux, s'il vous plaît. Alors, les co-accusés, donc, trois ont été acquittés, et les trois qui ont été condamnés à des travaux forcés sont partis au bagne. L'un s'est suicidé avant même d'être transféré au bagne, et un autre est mort là-bas, et un autre a pu revenir après une quinzaine d'années de bagne. Et il faut préciser qu'à l'époque, hein, cette condamnation au bagne était une horreur absolue. Ah, tout à fait. Hein, c'est... Et le retour était très hypothétique, effectivement. Oui, certains bagneurs, d'ailleurs, n'avaient pas le droit de revenir. Ils étaient consignés jusqu'à la fin de leur vie en Guyane, et finissaient peut-être parfois massacrés par les habitants. Voilà, c'était vraiment les damnés de la terre. Merci infiniment, Marc Edrich, pour toutes les précisions que vous avez apportées à cette affaire, après en avoir écrit un livre qui s'appelle, et je le rappelle, l'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient un crime, paru chez Michelon Éditeur. C'est tout récent, puisque c'était en septembre dernier. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Jules Durand. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire. À notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Grégory Wallon qui était à la technique aujourd'hui.